Vous écoutez C'est fou en balado-diffusion. Vous aimez ça? Visitez cestfou.ca. On s'appelle et on déjeune. Une présentation du service aux étudiants de l'UQTR. Eh bien donc, c'est maintenant le moment de... C'est maintenant le moment de quoi? De qui? De où? De quand? De hein? Et maintenant, voici les tops de l'insolite! Eh oui, c'est les tops de l'insolite ce matin. Les tops de l'insolite qui concernent donc 5 raisons qui pourraient faire que l'Internet meure. Et ah, ça m'a encore manqué mon truc. On recommence. Parce que là, j'ai trouvé de quoi. Et donc, c'est 5 raisons qui pourraient faire que l'Internet meure. Quasiment. La grande radio, mesdames, messieurs. Vraiment, on fait tout pour vous satisfaire. C'est génial. Eh bien, donc, on débute ce fameux top de l'insolite sur 5 raisons qui pourraient faire que l'Internet pourrait mourir à n'importe quel moment. C'est assez épeurant quand on y pense parce que maintenant, pas pour vous, mais en tout cas pour moi, aux études, quand même, Internet occupe une place assez importante dans ma vie, non pas pour la procrastination, mais ne serait-ce que pour les recherches, pour la communication avec les professeurs également, et pour une série de choses donc qui sont très importantes au développement donc de mes études, dans mon travail effectivement, ainsi qu'à la radio, parce que si je prendrais le temps de lire tous les journaux tous les matins pour faire des résumés, eh bien je dormirais tout simplement pas la nuit. Hein. Raison numéro 5 de comment, pourquoi que l'Internet pourrait tout simplement mourir demain matin, hein, ou là, drette là, en cliquant des doigts, comme ça. Eh bien, en fait, c'est que l'Internet, c'est une série de câbles, et des câbles, bien, ça peut être coupé. Eh oui, simplement, aussi simple que ça. Entre autres, si on dit, des fois, on peut avoir vraiment de la misère là, à aller sur un site et ça nous fait capoter. On peut pas aller voir nos courriels toutes les 5 minutes comme on le voudrait. Entre autres, je suis rendu addict à mes courriels, je vais tout en voir, malheureusement. Ça soigne à ce qui paraît. Et on se demande maintenant, qu'est-ce qui pourrait arriver également? On se dit que les gens, en fait, tout simplement, se foutraient tout simplement qu'une grosse météorite vienne frapper la Terre en autant qu'on puisse aller mettre les photos sur Internet et suivre les nouvelles de ce fameux crash d'astéroïdes sur Twitter. Eh bien, également, on pourrait se demander si les gens auraient plus peur si cette fameuse météorite-là tomberait dans l'eau, puisqu'il y a des séries de câbles qui sont sous l'eau. Eh oui, ces câbles qui se nomment les See Me We Tree. Faire un petit truc de... Ouais. Eh bien, pour faire un petit nom qui fit. Et entre autres, donc, il y a environ, des milliers ces câbles qui traversent l'océan un peu partout. Ce sont des câbles exprès pour être sous la terre... sous la terre, mais sous les mers. Et il y a des problèmes avec le tout qui arrive une fois de temps en temps et ça peut être sectionné, comme je vous dis. Et est-ce qu'il y a vraiment une façon de protéger ces petits câbles qui, entre autres, n'ont pas vraiment de protection? Le câble est à peu près gros comme votre pouce. Il n'y a pas tant de protection autour. Et ils peuvent être sectionnés facilement. C'est entre autres arrivé dans un port en Europe, en quelque part en Europe. Un bateau qui a simplement descendu son ancre et il a sectionné un câble qui traversait l'océan. Et entre autres, ce câble-là rejoignait l'Europe au Moyen-Orient. Et ça a coupé 75% de leur Internet là-bas. Donc, c'est quand même quelque chose. Ça coupe de beaucoup. Et c'était vraiment seulement un angle qui a descendu, qui a coupé. Ça peut arriver. Et on se demande également, est-ce qu'il y a des gens pour garder le tout, tu sais, pour empêcher qu'il y ait d'autres mondes, mettons, qui auraient de l'argent puis des sous-marins qui aient coupé des câbles? Eh bien non, il n'y a pas personne donc pour protéger le tout. Par contre, les compagnies qui ont qui appartiennent ces câbles, les compagnies de télécom européennes et nord-américaines, ont des bateaux toujours prêts à partir donc pour aller effectuer les réparations qui sont fréquentes. Et donc on parle environ de 20 000 milles de câbles sous les mers. Donc quand ça pète, il faut trouver où, il faut trouver comment réparer le tout. C'est pas, on peut pas juste le changer. 20 000 milles. C'est beaucoup. Et d'ailleurs, si vous allez sur le site crack.com, vous avez également une carte de tous ces filages Internet. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais l'envoyer à Danny Janvier pour le mettre sur le Facebook du Dîner de Con, pourquoi pas. Parce que c'est assez intéressant, c'est le fun à boire. Et maintenant, quatrième, donc numéro 4 de ces raisons pourquoi que l'Internet pourrait nous péter dans la face demain matin, c'est-à-dire mourir tout simplement, arrêter d'exister, eh bien, ce sont une armée tout simplement de zombies et de robots qui pourraient nous tuer tous. Et oui, donc on parle ici de Léo Kouvaïev. Si vous ne le connaissez pas, vous le détestez déjà, puisque c'est l'homme qui a inventé le spam moderne. Et oui, donc c'est lui qui a inventé les formules pour le spam, c'est-à-dire de, donc frapper telle boîte Internet de telle à telle façon. Donc, entre autres, c'est lui qui a créé le fameux spam du prince nigérien qui est pris en prison. Et donc, si vous envoyez 3 000 $, vous envoie 3 millions. Eh bien, donc, ce type qui est recherché dans plus de 60% de la planète et qui se cache soit à Tahiti ou en Finlande, puisqu'il y a l'immunité diplomatique là-bas, puisque donc son type de crime n'est pas encore légiféré. Eh bien, ce gars-là a sous la main ce qu'on appelle un Storm Botnet. Un botnet, en fait, c'est des zombies, des ordinateurs zombies qui sont prêts à attaquer n'importe quand, qui ont été conditionnés. On a installé des programmes à l'intérieur. Et donc, ils sont dormants dans le moment. Mais on parle de dizaines de millions d'ordinateurs qui seraient touchés par ce type-là, par Léo Kouvaïev. Et du jour au lendemain, ils pourraient tout simplement cliquer les doigts et attaquer n'importe quoi avec ces ordinateurs-là. Et entre autres, on parle, pour donner une idée, donc, on dit que son botnet, là, son, tout simplement son système d'ordinateur, est responsable de 20% des spams sur l'Internet. Et donc, ça, on va dire environ des milliards de messages qui sont envoyés à tous les jours. Et ça parle donc d'environ aussi également des dizaines de millions de messages qui sont envoyés avec des virus qui pourraient simplement faire péter vos ordinateurs. Et on parle également que ce système d'Internet, non pas d'Internet, mais son Storm Botnet, là, son système d'ordinateur zombie fonctionne environ 10 à 20% de sa capacité. Et qu'avec ce 10 à 20% de sa capacité-là, il a réussi à attaquer un des 13 piliers de l'Internet, c'est-à-dire un des 13 serveurs principaux de l'Internet. Il y en a endommagé deux qui étaient irrécupérables, il a fallu les remplacer. Et donc, c'est avec seulement 10 à 20% de la capacité. 10 à 20%, il y en a pogné 2 sur 13. Faites les calculs, il pourrait pratiquement toutes les avoir d'une shot s'il utilise tout son réseau. Et ce gars-là, donc, en claquant des doigts, pourrait simplement mettre fin à l'Internet tel qu'on le connaît. Numéro 3, on fait un peu la comparaison avec ce qu'on appelle un ferryman, c'est-à-dire, vous savez, si vous allez en Italie, si vous allez donc sur la... vous savez, de la place, là. Venise, voilà, c'est le mot que je cherchais. Vous avez des bateaux avec des gentils tamisiers qui viennent tout simplement pousser votre bateau avec un bâton du fond. Eh bien, on dit tout simplement, si vous changez de conducteur, eh bien, ça pourrait des fois aller faire des petits problèmes à l'Internet. En fait, c'est qu'on parle tout simplement, on fait des comparaisons sur le site avec un peu l'Internet et naviguer, un peu comme surfer sur le web. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas servi de ces la toile, naviguer. Les affaires des années 2000, on n'est plus dans les années 2000. Eh bien donc, imaginez donc que l'Internet est une rivière et que vous avez une destination, un site web, et pour ça, vous devez payer avec un URL, une adresse, un ferryman, c'est-à-dire un serveur donc informatique qui peut vous emmener à votre destination. Et donc, maintenant, imaginez des brigands, des hackers, simplement, qui vont kidnapper le ferryman, c'est-à-dire le serveur, avant qu'il vienne jusqu'à vous, pour qu'il puisse vous emmener, et vous emmène à la place ailleurs, dans un autre site, et sans que vous le sachiez, qui est parfois un site qui est réalisé de la même façon. Et en 2007, donc, Microsoft a découvert une vulnérabilité dans les DNS, dans les serveurs DNS, qui viennent tout simplement vous emmener l'Internet, et donc, qui pouvait être facilement détourné par les hackers. Et donc, en 2008, on s'est rendu compte que 1 sur 4 des serveurs publics étaient grandement vulnérables aux attaques. Et qu'est-ce qu'on peut faire donc pour ça? Eh bien, la sécurité sur Internet est quand même assez difficile à contrôler. Il faut travailler là-dessus à tous les jours. Et c'est pas nécessairement la meilleure façon tout simplement de comme mettre un plaster sur le bobo puis imaginer que tout va partir. Donc, il faut continuer à travailler là-dessus. Entre autres, changer Microsoft pour Linux. Hein? Il y a pas mal moins de gens qui se font sauter leur ordi lorsque c'est Linux, puisque le langage est complètement différent. Mais c'est juste temporaire, ça va arriver à un moment donné. C'est comme dire que Mac est protégé, qu'on n'a pas besoin d'antivirus. Ça aussi, éventuellement, ça va venir et plus vite qu'on le pense. Maintenant, numéro 2 des 5 choses qui pourraient faire que l'Internet meure. Ça fait quand même peur, hein? L'Internet pourrait mourir. On l'entend pas assez, là. Ah, mais c'est dommage. J'aurais manqué mon coup avec la dramatique aujourd'hui. C'est pas très grave, on s'en prendra une autre fois. Mais quand même, donc, numéro 2 des raisons qui pourraient faire que l'Internet pourrait exploser demain matin, qu'on n'en ait plus jamais. Eh bien, on appelle ça, en fait, l'article dit « L'Internet devient Main Street USA », tout simplement, donc la plus grosse rue des États-Unis. Walmart vient juste de s'installer à côté. Et là, on parle ici de la catastrophe. Entre autres, on fait rappeler lorsque le site GeoCities c'est fermé l'année dernière, donc c'est une façon de se faire des sites Internet gratuitement et donc d'une façon totalement libre qui, malheureusement, commence à se faire frapper par ce qu'on appelle le « strip mall effect ». Là, je sors beaucoup de choses en anglais, mais en fait, on parle de petits magasins indépendants qui se font un peu battre par les gros magasins. Donc, on donne la comparaison des petits magasins indépendants qui se sont fait battre par Walmart depuis les années 80 aux États-Unis, les années 90 ici. Simplement, on utilise, admettons, Facebook. Simplement. Facebook qui, d'une façon ou d'une autre, vous cible avec de la publicité. Publicité parfaitement faite pour vous. Vous avez plus besoin également de vous inscrire à des sites comme, admettons, Dig, SideReel, donc des sites importants de l'Internet. Vous pouvez également accéder à votre compte Twitter par Facebook et Facebook par Twitter. Vous pouvez envoyer des articles par Facebook tout simplement en cliquant sur le petit lien Facebook de n'importe quel article, d'ailleurs, qu'il y a sur crack.com, le site où je suis en train de lire ça. Ils ont l'air fâchés contre Facebook, mais ils l'utilisent quand même. Et donc, Facebook avec 300 millions de d'utilisateurs. Maintenant, même, c'est rendu 500 millions, je pense. C'est incroyable. Et donc, c'est la façon la plus facile pour plusieurs personnes également de se rendre sur les sites Internet. On parle entre autres des personnes âgées qui envahissent de plus en plus Internet grâce à Facebook. C'est facile. Vous pouvez acheter des trucs, vous pouvez vendre des trucs sur Facebook. Maintenant, on peut faire du transfert d'argent sur Facebook. C'est tout nouveau. Également, donc, vous pouvez vous tenir au courant de vos nouvelles sur Facebook. Donc, bientôt, pourquoi vous servez un Internet en général? Facebook va tout faire pour vous. Un peu comme Walmart l'a fait avec l'économie. Mais là, on parle plus vraiment d'un Internet libre. On parle plus vraiment d'un Internet où vous pouvez faire tout ce que vous voulez, puisque ça va être un réseau social qui va tout simplement tout faire pour vous. Et même chose pour Twitter, même chose pour n'importe quel autre réseau social qui évolue tranquillement, pas vite, et peut-être un jour, eh bien, ça sera partout. C'est un peu dommage, mais en même temps, ce qu'on donne comme solution, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire à ça? Eh bien, donc, eux donnent comme réponse c'est la même question qu'on se demande depuis les années 80 lorsque Walmart a commencé à envahir la sphère publique, d'envahir les magasins et de les tasser. On va tout simplement chialer contre Walmart vraiment très fort et publiquement. 5 minutes après, on va se cacher, on va rentrer dans le magasin pour aller acheter des trucs moins chers qu'ailleurs. Donc, malheureusement, c'est ce qui arrive un peu partout. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Je sais pas. Il va falloir peut-être repenser à l'Internet de la façon qu'on l'a. Et justement, lorsqu'on regarde au numéro 1 de ce top 5 des raisons pourquoi l'Internet pourrait nous péter dans la face, qu'elle pourrait mourir, qu'elle pourrait décéder demain matin, eh bien, on parle de perdre la neutralité de l'Internet. Et justement, c'est changer donc notre vision de l'Internet, pas nécessairement de la meilleure façon possible. Mais en fait, c'est qu'on parle du FCC ici, qui est le Federal Communication Consortium. Je crois, en fait, que ça veut dire ça, mais c'est un peu l'équivalent du CRTC ici au Canada. Et donc, on parle que depuis plusieurs années, en fait, le CRTC voudrait essayer de contrôler ce qui se passe sur Internet. Et ce qu'on donne un peu comme exemple, c'est qu'un fil Internet, ça fait pas de différence entre si vous téléchargez donc l'encyclopédie universaliste, des articles hyper scientifiques ou un film de scatologie pornographique. T'sais, ça fait aucune différence à ça et plusieurs trouvent que c'est très bien comme ça. Généralement, l'Internet a toujours été comme ça. Ça a été gratuit, ça a été disponible pour tout le monde. Malheureusement, donc, le consortium aimerait bien, ou le CRTC, si on peut, parce qu'eux aussi aimeraient bien ça, mettre un peu la main sur Internet et démocratiser d'un certain sens l'Internet, donc en imposant certaines règles qui empêcheraient certains produits de s'y retrouver là-dessus. Et également, donc, de permettre à d'autres d'être plus favorisés, un peu comme, donc, les chaînes télévisées, leur site Internet. Et donc, ça pourrait continuer, donc, cette fameuse neutralité de l'Internet qui pourrait être tassée un petit peu de la part de l'argent, bien sûr, puisque c'est souvent l'argent qui vient tout mélanger. Si, bien sûr, les grands de l'Internet disent « c'est nous qui fournissons les serveurs », on a en même temps des sites Internet qu'on voudrait mettre de l'avant. Et bien, le FCC pourrait dire oui, ça, on retrouve plus ça sur Internet, ça, on va mettre ça de l'avant, ça, on va leur. Et ça peut arriver. Ça fait des années, en fait, qu'on travaille là-dessus, à différents niveaux. Et qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus? Eh bien, c'est assez difficile de le faire, puisque avoir, donc, de cette fameuse. Ce fameux. Progression de l'Internet, avoir des serveurs, avoir une façon donc d'avoir une liberté sur l'Internet, c'est tout simplement d'avoir de la bande passante et de propager les idées, propager les choses. Le truc, c'est que ça coûte très cher et c'est difficile donc de mettre la main là-dessus. Et donc, c'est assez difficile d'avoir de l'Internet encore de plus en plus gratuite et non pas seulement gratuite au niveau. Je parle pas là, de se plugger un serveur gratuitement et d'avoir donc un service Internet gratuit. Ça, c'est normal de le payer. Mais tout ce qui est autour, c'est-à-dire aller sur n'importe quel site, avoir accès à des informations gratuites, ça se perd tranquillement pas vite. Autant que ça soit grâce à la neutralisation, à la non-neutralisation que le FCC voudrait mettre, que le CRTC voudrait mettre, ou aussi du côté des nouvelles, donc comme d'ailleurs le Wall Street Journal et les autres journaux de Rupert Murdoch, on en a parlé un peu plus tôt dans la section technologique, qui vont commencer bientôt, tranquillement pas vite, à charger de l'argent pour leur site Internet pour pouvoir bien sûr être rentable. Alors là, il faut se demander, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'on va pouvoir continuer à travailler sur la publicité Internet qui marche au clic, qui va nous donner de l'argent, ou on va vraiment avoir à simplement payer pour l'Internet, pour avoir accès à nos sites, pour qu'ils fassent de l'argent, bien sûr. On se le demande vraiment. Et donc, l'article se termine simplement, et je vais vous paraphraser le tout en faisant une traduction simultanée. Eh bien, ayez plaisir avec l'Internet pendant que vous le pouvez, puisque nous sommes dans une période d'âge d'or, nous sommes dans la période du bon vieux temps de l'Internet, probablement que d'ici... Et là, ça, c'est moi qui parle, c'est fini, la phrase est dite, là, mais... probablement que d'ici quelques années, malheureusement, 10, même pas, peut-être 5 ans, on n'aura plus l'Internet tel qu'on l'a eu. D'une façon ou d'une autre, c'est sûr et certain que ça va changer. Qui aurait pu croire il y a 5 ans? Ben, mettons 10, pour être sûr, tu sais, d'être détaché, qu'on pourrait écouter des vidéos sur Internet en direct. Qui aurait pu croire ça? Que la musique se retrouvait sur Internet il y a 20 ans. Lorsque ça a commencé en 94, 95, qui aurait pu croire que ça prendrait 2 secondes à aller sur un site Internet pour avoir de l'information, pour avoir des vidéos? C'est vraiment rendu fou et ça continue à avancer d'une façon incroyable. Il faut continuer l'évolution, mais il faut quand même faire attention à ce qu'on va y faire. Et bien voilà, c'était le top de l'insolite des 5 raisons pourquoi que l'Internet pourrait mourir à tout moment. Et on se prépare donc peut-être à une mort non annoncée de l'Internet qui pourrait arriver n'importe quand. On s'appelle et on déjeune de 7h à 9h le matin du job bar. On s'appelle et on déjeune le matin... On s'appelle et on déjeune le matin du... On s'appelle et on déjeune, c'est d'ADEC. On s'appelle et on déjeune, c'est de l'actualité nationale et utérienne, de l'insolite, des chroniques, de la musique émergente et une dose de bon sens. Sans frais cachés et sans contrat. Encore mieux, c'est gratuit. On s'appelle et on déjeune tous les matins du lundi au jeudi de 7h à 9h sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Une présentation du service aux étudiants de l'UQTR.